du temps pour moi d'un sauna. Ma... Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et en ce lundi 4 février, nous souhaitons une bonne fête aux Véroniques. Ça vient du grec signifiant porter la victoire. Véronique peut apparaître plus dure, plus stricte qu'elle ne l'est en réalité. En fait, elle est hypersensible et somme toute assez vulnérable. Face à l'hostilité, elle a souvent tendance à se replier sur elle-même en évitant les affrontements. Pourtant, c'est une femme courageuse, fière, déterminée, qui déteste l'injustice, la flatterie, le mensonge et est tout à fait capable de commander et d'assumer des responsabilités. Elle possède un esprit novateur et a besoin de vivre ses propres expériences, capable en cela de se sacrifier pour une cause qui la touche. C'est une femme assez complexe, elle est souvent partagée entre un côté égocentrique, autoritaire, exigeant. À l'opposé se trouve en elle un autre côté, altruiste, idéaliste. Dicton du jour à Sainte Véronique, les marchands de marrons Pli Boutique, ou encore à la Sainte Véronique, le soleil à l'hiver fait la nique. Bon, c'est pas moi qui le dis. Hein. Célébration internationale aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le cancer, patronnée par l'Union internationale contre le cancer. Au Sri Lanka, c'est la fête de l'indépendance qui célèbre l'émancipation du pays vis-à-vis de la suzeraineté britannique en 1948. Et dans les événements qui se sont déroulés, un 4 février, en 1789, George Washington était élu premier président des États-Unis. En 1790, devant l'Assemblée nationale française, Louis XVI jurait solennellement fidélité à la Constitution, qui fut la première de l'histoire de France. En 1941, Marcel Pagnol obtenait à Hollywood le prix du meilleur film étranger pour La femme du boulanger. En 1995, Surya Bonaly remportait pour la cinquième fois d'affilée le titre de championne d'Europe de patinage artistique. En 2004, Roger Federer devenait numéro 1 mondial de tennis après sa victoire sur Marat Safin, c'était lors de l'Open d'Australie. Et la même année avait lieu la création du réseau social Facebook. Et oui, 15 ans déjà. On va tout de suite marquer une première pause musicale avec The Offspring et leur titre The Kids Are Not Alright. We'll be right back. Strings avec le titre The Kids Are Not Alright sur RGM. Eh bien, il est pile 8h36 et on va bien parler anniversaire avec ceux qui sont nés un 4 février 1929, naissance de Jerry Adler, acteur américain connu pour son rôle de Herman Rapkin alias Esh dans la série Les Sopranos et son rôle d'Howard Liman dans The Good Wife. 1941, naissance de John Steele, batteur anglais du groupe The Animals, dont on écoute tout de suite un extrait du titre House of the Rising Sun. Voilà pour l'extrait du groupe The Animals. 1947, naissance de William Lémergie, journaliste, animateur, producteur télé français, connu pour avoir présenté de janvier 85 à juin 2017 l'émission Télématin. 1948, naissance d'Alice Cooper, chanteur américain, notamment connu pour le titre I Am 18, dont on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait d'Alice Cooper. On continue. 1957, naissance de Don Davis, compositeur américain connu pour avoir composé la musique de la trilogie Matrix. 1962, naissance de Christopher Buckholz, acteur allemand connu pour le rôle du commandant Schneider dans la série télé Un village français. 1963, naissance de Kevin Wasserman, guitariste du groupe californien The Offspring. 1969, naissance de Brandy Ledford, mannequin et actrice américaine connue pour son rôle de Don Masterton dans la série télé Alerte à Malibu, son rôle d'Alex Monroe dans la série Invisible Man ou encore celui de Doyle dans la série Andromeda. 1970, naissance de Gabrielle Anwar, actrice britannique vue dans les séries Les Tudors, Burn Notice dans le rôle de Fiona Glennan, Once Upon a Time depuis la saison 7 hein, dans le rôle de Lady Tremaine. 1971, naissance de Rob Corddry, acteur américain vu dans W, l'improbable président dans le rôle d'Harry Fleischer, Jackpot dans le rôle de Jeffrey Lewis, La machine à démonter le temps 1 et 2 dans le rôle de Lou. 1975, naissance de Nathalie Imbruglia, mannequin chanteuse australienne dont on écoute tout de suite un extrait du titre Torn. To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Voilà pour l'extrait de Nathalie Imbruglia. On continue. 1977, naissance de Gavin DeGraw, chanteur-guitariste américain. 1979, naissance de Maréva Galanter, mannequin, comédienne française, élue Miss France 1999, vue dans les films 3-0, La Panthère Rose ou encore dans les séries Julie Lescaut ou encore La Crime. 1982, naissance de Kimberly Wyatt, chanteuse américaine qui fut membre du groupe Pussycat Dolls, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Dansha. Okay. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this? Ooh, baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen. You see the get hot every time I come through. When I step up in the spot, make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick. Yes, I'm on the lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. And I know you want it. I know you want it. It's easy to see. It's easy to see. And in the back of your mind, I know you should be home with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was... Voilà pour l'extrait des Pussycat Dolls. On continue. 1983, naissance d'Hannibal Buress, acteur et humoriste américain, vu dans Nos Pires Voisins 2, Baywatch, Alerte à Malibu, dans Spider-Man Homecoming, sorti en 2017 dans le rôle du coach Wilson, ou encore à la télé dans Saturday Night Live. 1985, naissance de Leslie, chanteuse française. 1986, naissance de Geoffrey Jourdren, footballeur français évoluant au poste de gardien de but, qui de 2006 à 2017 a joué à Montpellier et de 2017 à novembre 2018 a joué pour Nancy. 1987, naissance de Lucie Safarova, joueuse de tennis tchèque, professionnelle depuis 2002, qui en simple a été 5e mondiale en 2015, une fois finaliste à Roland-Garros, demi-finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à l'Open d'Australie, 8e de finaliste à l'US Open. En double, elle a été numéro 1 mondiale en 2017, elle a gagné 2 fois l'Open d'Australie et 2 fois Roland-Garros, 1 fois l'US Open, quart de finaliste à Wimbledon. Et à noter qu'aux Jeux Olympiques de 2016, elle a remporté la médaille de bronze en double féminin. Et avec la République tchèque, elle a remporté 4 Fed Cup. Hein, c'était en 2011, 2012, 2014 et 2015. 1990, naissance de Nairo Quintana, cycliste sur route colombien qui a remporté le Tour d'Italie 2014, le Tour d'Espagne 2016, terminé à 3 reprises sur le podium du Tour de France, hein, 2e en 2013 et 2015 et 3e en 2016. Il a remporté le Tirreno Adriatico en 2015 et 2017, le Tour de Catalogne en 2016, le Tour de Romandie en 2016, 2 étapes sur le Tour de France, 3 sur le Tour d'Italie, 1 sur le Tour d'Espagne. Il a remporté également le classement du meilleur jeune lors du Tour de France 2013 et 2015, du Tour d'Italie 2014, ainsi que le classement de la montagne du Tour de France 2013. 2003, naissance de Keila Kennedy, actrice américaine connue pour son rôle de Mika Samuels dans la série The Walking Dead et son rôle de Dylan DiMeo depuis 2016 dans la série Speechless. En 1983, décédée Karen Carpenter, chanteuse américaine du duo The Carpenters, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me. Voilà pour l'extrait donc des Carpenters. On écoute tout de suite Gavin DeGraw avec le titre I Don't Want to Be. I don't need to I Don't Wanna Be de Gavin DeGroote. Et pour les fans de série, hein, vous l'aurez bien évidemment reconnu, hein, c'était la musique de la série à succès, Les Frères Scott. Allez, il est un peu plus de 8h49, on est toujours sur le 107 FM et on parle météo. La météo. Et on va passer une journée ensoleillée avec tout de même quelques petits nuages, mais pour l'instant, eh bien, c'est très agréable. Hein. En ce lundi matin, on a un beau ciel bleu. Des températures comprises entre moins 4 et moins 3 degrés ce matin, entre 3 et 4 degrés pour cet après-midi. Pour mardi, journée ensoleillée également. Des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré le matin, entre 5 et 6 degrés prévus pour demain après-midi. Et mercredi sera encore une journée ensoleillée. Des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré mercredi matin et entre 6 et 7 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on perd pas de temps, on a beaucoup de choses à dire en ce lundi matin et on va commencer avec le rugby et le tournoi Destination Messieurs où la France s'est inclinée face aux Pays-Bas 19 à 24. Mais du côté féminin, les Françaises se sont imposées 52 à 3 face au Pays de Galles. Hein. Et du côté de nos Bleuets, eh bien, les Françaises se sont imposées 32 à 10. Un mot de football avec les résultats de la Ligue 1 où Lille s'est imposée 4 buts à 0 face à Nice. Nice. Angers s'est imposé 1-0 face à Dijon. Monaco s'est imposé 2-1 face à Toulouse. Rennes s'est imposé 1-0 face à Amiens. Reims s'est imposé 2-1 face à Marseille. Nîmes et Montpellier ont fait match nul 1-1. Et Lyon s'est imposé hier soir 2-1 face au Paris Saint-Germain. Première défaite pour le Paris Saint-Germain cette saison. Et à noter que le match entre Saint-Etienne et Strasbourg a été reporté, tout comme les matchs de Coupe du Grand Est de Thaon-les-Vosges et de Raon-l'Étape. En National 2, Épinal a fait match nul 1-1 face à Fleury-Mérogis. Et en Ligue 2, Nancy et Metz ont fait tous deux match nul 1-1. Nancy, c'était à Niort et Metz, c'était face à Troyes. En basket, en Pro B, victoire de Nancy face à Roanne 86-70. En National 1, victoire du Jet Vosges à Sorgues 66-83. Et en National 3, défaite de Le Bimircourt face à Saint-André-les-Vergers 74-78. Un mot de cyclocross avec les championnats du monde et la 25e place hier de Steve Chenel. Côté espoir, à noter la médaille de bronze d'Antoine Benoît. En hockey sur glace, en Détroit, Épinal s'est imposé 15-2 face à Dijon. 14 victoires en 14 matchs pour le HC. On écoute tout de suite la réaction de Kevin Benchaban. Ah Kevin, 14 sur 14, c'est incroyable. Si on vous avait dit ça en début de saison, je pense que vous l'auriez pas cru. Non, c'est sûr, on ne prévoit jamais l'avenir. Nous, on sait qu'on devait travailler fort. On sait nos objectifs qu'on doit atteindre cette année, donc il fallait passer par là. Bon, que des victoires, c'est super, mais après, il nous reste beaucoup de travail quand même. Voilà, c'est vrai qu'on va pas minimiser ce qui s'est passé, c'est génial, avec plein de buts marqués, ça c'est encore mieux. Mais on va vraiment dire que là, les choses vont vraiment commencer sérieusement. Ouais, c'est clair, là c'est une nouvelle saison en fait qui commence. Il y a beaucoup d'équipes qu'on connaît pas, on sait pas leur style de jeu, on les a jamais vus, là ça va faire des grands voyages. Et puis là, chaque match maintenant est décisif, si on perd c'est fini. Donc là, ça va être beaucoup plus de stress et d'intensité, mais il nous reste encore 3 semaines à nous préparer à fond. Voilà, donc le premier match, ce sera à la fin du mois, hein, c'est ça, le 23. Je crois, mais ça, on ne sait pas encore des dates, parce qu'on a des possibilités de dates, donc je ne sais pas quand. D'accord. L'équipe qu'on va déjà avoir. Ah oui, c'est encore pas défini ça? Non, on joue sur un soir, je pense. D'accord, donc, okay. Après, on a 3 dates à savoir quand on va jouer. D'accord, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le 2 mars à Épinal. Donc ouais, là, on peut déjà donner rendez-vous aux supporters. Enfin, je pense qu'ils ont déjà coché la quête sur le calendrier, vu le nombre de personnes qu'il y avait encore ce soir. Une ambiance vraiment incroyable. C'est super. Ici, c'est Épinal. C'est vraiment une ville de hockey. C'est tellement chaleureux de voir tout le monde comme ça. Et je remercierai à jamais assez, mais merci beaucoup tout le monde. Ok, merci. Et on connaît l'adversaire de l'EHC, ce sera l'équipe de Nice. Donc voilà, un rendez-vous pour le match retour, donc vous l'avez compris, hein, le 2 mars. On continue les résultats sportifs avec le biathlon et les championnats du monde junior, où Emilien Claude avait terminé 13e sur le sprint et a fait une petite remontée sur la poursuite où il termine 8e. Un mot de ski cross avec la médaille d'or de François Place et la médaille de bronze d'Alizé Barion, et en ski Tess Le 2 a été sacrée championne du monde de Big Air. Et cette nuit, c'était le Super Bowl. Je vous avouerai que j'y comprends pas grand chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont les Patriots de Nouvelle-Angleterre qui ont battu les Rams cette nuit 13-3, et Tom Brady remporte ainsi son 6e Super Bowl. Il rentre donc dans l'histoire. Un mot de tennis avec le tournoi de Montpellier. Aujourd'hui, Mahut affrontera Vatutin, Alice affrontera Bagdatis. Il y aura un duel franco-français entre Humbert et Tsonga. Jérémy Chardy affrontera Misha Zverev et Wang affrontera Menendez. Et l'information est tombée hier soir, l'avion qui transportait Emiliano Sala a été retrouvé hier soir. La famille du joueur argentin a été prévenue. Voilà pour l'actualité sportive. On marque tout de suite la dernière pause avec la chanteuse Leslie sur le titre On ne sait jamais, en featuring avec Magic System et Sweetie. Yeah. De musique, où on parle de Magic System, oh. Y'a Leslie et Cindy, oh. Vous me l'avez dit sans crainte et m'avez offert un espoir en perte de vue, non. Si vous saviez à quel point je voyais en vous ce que vous voulez. que je vais finir là-bas. Original créole, mais surtout qui n'oublie pas d'où je viens. Mais sans cette, mes origines, pas tout ça. Ma vibe, c'est un mélange de reggae dans Bolo. Ma vibe, partie des West Indies et tout le flow. Un special big up to Magic System et les gars. C'est sur Fanchu, ma gueule Leslie. Voilà, on ne sait jamais, Leslie Magic System, Sweetie sur RGM. Il est un peu plus de 8h58 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir avant de se quitter. Un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, rediffusion dans l'écoute des jeunes avec Cassandra. 11h, la Christoire du cinéma. 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. 15h, salut les 60 avec Gérard. 17h, la rediffusion de la Christoire du cinéma. 20h, le calendrier de François. Et nous, on se retrouve eh bien demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.